Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin au français d'un moine de Fontgombault, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. Cinquième partie, commentaire de l'article 4, Je crois en Jésus, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Comme il est nécessaire aux chrétiens de croire à l'incarnation du Fils de Dieu, il lui faut également croire à sa passion et à sa mort. Naître ne nous eût été utile en rien, disait en effet saint Grégoire, si nous n'avions pas été rachetés. Or le fait que le Christ soit mort pour nous est une vérité très élevée, que notre intelligence peut à peine saisir. Bien plus, elle ne viendrait même pas à l'esprit. C'est ce qu'affirme saint Paul. Je vais, dit Dieu, accomplir une œuvre en vos jours, une œuvre auquel vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et de même Habacuc, une œuvre a été accomplie en vos jours que personne ne croira quand on la lui racontera. La grâce de Dieu et son amour pour nous sont si grands que ce qu'il a fait pour nous dépasse ce que nous pouvons comprendre. Cependant, nous ne devons pas croire que le Christ a souffert la mort de telle manière que sa divinité soit morte. En lui, c'est la nature humaine qui subit la mort. Il est mort, en effet, non en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Voici trois exemples qui mettront en lumière cette vérité. Nous puiserons le premier en nous-mêmes. Lorsqu'un homme meurt, son âme en se séparant du corps ne meurt pas. C'est son corps, sa chair, qui subit la mort. De même, dans la mort du Christ, la divinité n'a pas été atteinte, mais bien la nature humaine. On peut objecter que les Juifs n'ont pas tué la divinité du Christ. Ils n'ont pas commis, alors, un plus grand péché en mettant à mort Jésus que s'ils avaient tué un autre homme. Il faut répondre, supposons un roi revêtu d'un vêtement. Si quelqu'un souillait ce vêtement, il tomberait dans une faute aussi grande que s'il souillait le roi en personne. Ainsi les Juifs, ils ne purent pas tuer Dieu, mais parce qu'ils mirent à mort la nature humaine assumée par le Christ, ils furent châtiés aussi sévèrement que s'ils avaient tué la divinité. Voici le troisième exemple. Comme nous l'avons dit plus haut, le Fils de Dieu est le Verbe de Dieu. Et on peut comparer ce Verbe ou parole de Dieu incarné à une parole de roi écrite sur une feuille de papier. Si donc quelqu'un déchirait le papier où est écrite la parole du roi, il ferait une faute aussi grave que s'il déchirait la parole du roi. C'est pourquoi le péché des Juifs mettant à mort l'homme Dieu est aussi grand que s'ils avaient tué le Verbe même de Dieu. Mais quelle nécessité y avait-il à ce que le Verbe de Dieu souffrît pour nous? C'était très nécessaire, et nous pouvons donner deux raisons de cette nécessité. Les souffrances du Christ, en effet, étaient nécessaires en premier lieu comme remède à nos péchés, et en second lieu comme modèle de nos actions. D'abord, ces souffrances nous sont un remède. En effet, dans la passion du Christ, contre tous les maux que nous encourons par le péché, nous trouvons un remède. Or, le péché nous fait encourir cinq maux. Premièrement, une souillure. L'homme, en effet, par le péché, souille son âme, car comme la vertu est la beauté de l'âme, le péché est sa souillure. Il est dit dans le livre de Baruch, D'où vient Israël? D'où vient que tu es dans le pays de tes ennemis, que tu te souilles avec les morts? Mais cette souillure, la passion du Christ l'a fait disparaître. Le Christ, en effet, par sa passion, a préparé un bain dans son sang pour y laver les pécheurs. Et il nous a lavés de nos péchés, dit saint Jean, dans son sang. Or l'âme est lavée par le sang du Christ au baptême. Car le baptême tire sa force régénératrice du sang du Christ. Aussi, quiconque se souille par le péché fait injure au Christ. Et son péché est plus grand que s'il avait été commis avant le baptême. Suivant ces paroles de l'Épître aux Hébreux, si celui qui a violé la loi de Moïse est impitoyablement mis à mort sur la déposition de deux ou trois témoins, quel châtiment plus grave ne pensez-vous pas que doivent encourir celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et tenu pour profane le sang de l'Alliance? En second lieu, par le péché, nous encourons la disgrâce de Dieu. De même, en effet, que l'homme charnel aime la beauté charnelle, ainsi Dieu lui aime la beauté spirituelle, qui est la beauté de l'âme. Quand donc l'âme se souille par le péché, Dieu est offensé, et il prend en haine le pécheur. Dieu, dit en effet la sagesse, hait l'impie et son impiété. Mais cette haine, le Christ l'efface par sa passion. Par elle, en effet, il a satisfait à Dieu le Père pour le péché. Car l'homme de lui-même ne pouvait pas satisfaire pour ses fautes. Jésus a bien satisfait, parce que sa charité et son obéissance furent plus grandes que le péché du premier homme et sa désobéissance. Alors que nous étions les ennemis de Dieu, dit saint Paul, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. En troisième lieu, le péché nous affaiblit. Car l'homme, après un premier manquement, croit pouvoir ensuite se garder du péché. Mais tout le contraire lui arrive. La première faute, en effet, l'affaiblit et le rend plus enclin à pécher. Ainsi, le péché le domine davantage. Et autant qu'il dépend de lui, il se met dans une situation telle que sans la puissance divine, il ne peut se relever. Il est comme un homme qui se jetterait dans un puits. Après le péché, notre nature fut donc affaiblie et corrompue, et l'homme se trouva plus enclin à pécher. Mais le Christ a diminué cette faiblesse et cette infirmité, bien qu'il ne l'ait pas supprimée entièrement. Sa passion a fortifié l'homme et affaibli le péché, si bien que nous ne sommes plus autant dominés par lui. Aidés par la grâce de Dieu que nous confèrent les sacrements, dont l'efficacité vient de la passion du Christ, nous pouvons faire des efforts efficaces pour nous dégager du péché. Notre vieil homme, dit l'apôtre, a été crucifié avec le Christ pour que fût détruit le corps de péché. Avant la passion du Christ, en effet, on trouvait peu d'hommes vivant sans péché mortel. Mais après, beaucoup vécurent et vivent exempts du péché mortel. En quatrième lieu, par le péché, nous encourons l'obligation à une peine. La justice divine exige que quiconque pèche soit puni. Et ce châtiment doit se mesurer d'après la faute. Et comme la faute du péché mortel est infinie, par elle en effet le pécheur s'élève contre le bien infini, c'est-à-dire Dieu dont il méprise les préceptes, le châtiment dû au péché mortel sera lui-même infini. Mais le Christ, par sa passion, nous a enlevé cette peine. Lui-même l'a subie à notre place. Comme l'écrit saint Pierre dans sa première épître, il a porté lui-même dans son corps nos péchés, c'est-à-dire la peine de nos péchés. Car la vertu de la passion du Christ est si grande qu'elle suffirait à expier les péchés du monde entier, même si leur nombre était infini. C'est pourquoi les baptisés sont purifiés de tous leurs péchés. De là vient aussi que le prêtre remet les péchés, et que quiconque se conforme davantage à la passion du Christ reçoit un pardon plus complet et mérite plus de grâce. En cinquième lieu, le péché est cause de notre bannissement du royaume de Dieu. Ceux en effet qui offensent les rois sont forcés de quitter leur royaume. Ainsi Adam, à cause de son péché, et aussitôt après l'avoir commis, fut chassé du paradis dont la porte fut fermée. Mais le Christ, par sa passion, a ouvert cette porte, et il a rappelé les exilés dans le royaume. En effet, quand le côté du Christ fut ouvert, la porte du paradis le fut aussi, et par l'effusion de son sang, la souillure du péché fut effacée. Dieu fut apaisé, la faiblesse de l'homme guérie, sa peine expiée, et les exilés rappelés dans le royaume. C'est pourquoi le Christ déclara aussitôt au bon larron qu'il implorait, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Ceci ne fut pas dit auparavant à qui que ce soit, ni à Adam, ni à Abraham, ni à David. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire dès que la porte du paradis fut ouverte, le bon larron implora son pardon et l'obtint. C'est pourquoi l'apôtre pouvait écrire aux Hébreux « Nous avons la liberté d'entrer avec confiance dans le sanctuaire par le sang du Christ. » Comme nous venons de le montrer, la passion du Christ était donc un remède très utile contre les maux que nous encourons par le péché. Mais son utilité n'est pas moins grande pour nous servir d'exemple. La passion du Christ, dit saint Augustin, suffit à nous instruire complètement de la manière dont nous devons vivre. Quiconque en effet veut mener une vie parfaite n'a rien d'autre à faire que de mépriser ce que le Christ a méprisé sur la croix et de désirer ce qu'il a désiré. Il n'est pas en effet un seul exemple de vertu que nous donne la croix. Cherchez-vous un exemple de charité. Personne, dit le Christ, ne possède une charité plus grande que celui qui livre sa vie pour ses amis. C'est ce que lui-même a accompli sur la croix. Si donc il a donné sa vie pour nous, il ne doit pas nous être pénible de supporter pour lui n'importe quel mal. Le psalmiste n'a-t-il pas chanté « Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné ?» Cherchez-vous un exemple de patience. Vous en trouverez un très excellent sur la croix. Deux caractères manifestent la grandeur de la patience. Ou bien souffrir patiemment de grands maux, ou endurer ceux qu'on pourrait éviter mais qu'on ne cherche pas à éviter. Or le Christ sur la croix a enduré de grandes souffrances. Aussi il peut s'appliquer les paroles de Jérémie dans ses lamentations. Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il y a une douleur semblable à ma douleur. Et ces grandes souffrances, le Christ les a souffertes avec patience. Lui qui, maltraité, dit saint Pierre, ne faisait pas de menaces. Il était, déclare Isaïe, comme la brebis que l'on mène à la tuerie, et semblable à l'agneau, muet devant ceux qui le tondent. En outre, le Christ aurait pu éviter ses souffrances, et il ne l'a pas fait. Lui-même le dit à son apôtre Pierre lors de son arrestation à Gethsémani. « Crois-tu que je ne puisse prier mon Père, et il me donnerait aussitôt plus de 12 légions d'anges ?» Grande fut donc la patience du Christ sur la croix. Aussi l'apôtre écrit-il aux Hébreux « Courons avec patience vers le combat qui nous est préparé. » Les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi, qui l'a conduite à son achèvement. Lui qui, alors que la joie lui était offerte, a souffert la croix, sans regarder à la honte. Cherchez-vous un exemple d'humilité. Regardez le crucifié. Dieu en effet voulut être jugé sous Ponce Pilate et mourir. Votre cause, Seigneur, pouvons-nous lui dire, a été jugée comme celle d'un impie. Oui, vraiment comme celle d'un impie, car ses ennemis ont pu se dire entre eux, condamnons-le à une mort honteuse. Le Seigneur voulut donc mourir pour son serviteur et la vie des anges, s'immoler pour l'homme. Comme l'apôtre l'écrit aux Philippiens, le Christ Jésus s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Cherchez-vous un exemple d'obéissance. Suivez celui qui s'est fait obéissant à son Père jusqu'à la mort. L'apôtre dit en effet aux Romains, De même que par la désobéissance d'un seul homme, la multitude fut constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera constituée juste. Cherchez-vous un exemple de mépris des biens de la terre. Suivez celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse, et qui cependant sur la croix apparaît nu, objet de moquerie, conspué, frappé, couronné d'épines, abreuvé de fiel et de vinaigre, et mis à mort. Ne vous laissez donc pas émouvoir par les habits et par les richesses, car les soldats se partagèrent mes vêtements. Ne vous laissez pas émouvoir non plus ni par les honneurs, car moi, Jésus, j'ai été l'objet de leurs risées et de leurs coups, ni par les dignités, parce qu'ils tressèrent une couronne d'épines et la placèrent sur ma tête, ni par les délices, car dans ma soif ils me firent boire du vinaigre. Au sujet de ces paroles de l'Épître aux Hébreux, Jésus, alors que la joie lui était offerte, a souffert la croix sans regarder à la honte. Saint Augustin écrit: L'homme Dieu, Jésus-Christ, a méprisé tous les biens de la terre pour nous apprendre que nous devons les mépriser.